Lila, Gay Lila, par André Rosé. Pour profiter du soleil nouveau et juger mieux l'éveil du printemps parisien, Lorto, interrompant sa flânerie matinale, s'assit à la terrasse déserte d'un café. Les marronniers de l'avenue ne verdissaient pas encore, mais leurs bourgeons de caoutchouc semblaient prêts de tirer à l'hiver mourant une langue verte et chiffonnée. Le pavé de bois, poli à la meule par les pneus des voitures, luisait. Les klaxons, les trompes beuglaient clair dans l'air neuf. Les passants n'avaient plus leur dos rond des jours froids, mais de l'aisance dans la démarche et de la lumière dans les yeux. Les femmes montraient mieux qu'un soupçon du visage dans beaucoup de fourrures. Des bébés couraient, pressés de n'aller nulle part, puis s'arrêtaient, sans savoir pourquoi, comme font les chiens. Devant l'orto, il y avait un kiosque de fleuriste. La fraîcheur de sa cargaison polychrome irradiait sur le trottoir. Violettes trompeuses à odeur crue de verdure hachée massées en rempart sur une litière d'aiguilles de sapin. Coucou superbe, moins cher que les poireaux passant là-bas sur la voiture d'une marchande ambulante. Tulipes rouges inépanouies aux pointes de piment. Giroflées ruisselantes d'une rosée d'arrosoir. Œillets défaillants soutenus par un orthopédique fil de fer. Boules de neige verdâtres, hauts montées sur leurs tiges minces, avec des airs penchés de pensionnaires anémiques. Mimosa opulent à l'insolence exotique. Chardon violet, chardon pourpre, chardon inconnu guetté par les douilles d'obus d'un atelier de rapin. Monnaie du pape agitant en murmure, sous la brise, ses castagnettes squelettiques. Toute la forcerie des serres de banlieue, toute l'artificielle nature d'un midi maquillé, tout le printemps de grande ville. Et pourtant, dans cette petite baraque béante sur la rue comme un four rafraîchissant, elles étaient jolies ces fleurs. Elle était à la façon des midinettes parisiennes vite écloses et tofanées, habiles à ranimer d'un rien de phare l'éclat charmant de leur jeunesse. En les regardant mieux, Lorto admirait surtout les lilas, ces lilas timides et frêles qui portent dans leur grappe légère la convalescence de la belle saison. C'étaient les tout premiers lilas. Quelques jours plus tôt, en province, il en avait cherché vainement chez un jardinier pour aller les porter sur la tombe d'une amie bien chère. Faute de mieux, il avait laissé sur la pierre scellée depuis 5 années des fleurs quelconques, des fleurs sans grâce, encore en bouton, condamnées à ne jamais s'ouvrir. Chaque printemps, il accomplissait ce pèlerinage parce qu'il est des traditions auxquelles il faut se conformer, sous peine de passer pour un sauvage. Il n'en éprouvait qu'une émotion vague, diminuée encore par son horreur des nécropoles où les affreux monuments dédiés aux morts n'élèvent le plus souvent en granit bleu et fonte argentée que la prétention des vivants. Seuls les petits cimetières groupés au pied des églises campagnardes et les champs de repos musulmans, avec leurs tombes modestes dans l'ombre des cyprès, lui semblaient propices au recueillement. Les frais lilas, décidément. À les admirer, Lorto éprouvait l'une de ces petites satisfactions qui disposent agréablement pour une journée tout entière. La marchande, bonnet noir, chandail noir, chaussons de laine noire dans des galoches, les arrosait avec une petite pomme. Ils encensaient de la tête, alourdis de gouttelettes fines, brillantes comme des diamants. Pourquoi, pensait Lorto, les fleuristes sont-elles presque toujours vêtues de noir? Celle-ci se rendra-t-elle compte qu'un chandail mauve serait tué par ses jacinthes, un chandail jaune par ses coucous? Celle lui prêtait beaucoup d'imagination. Elle débite ses fleurs comme elle vendrait des carottes. Comme ce garçon de café au front bas verse dans mon verre une boisson, d'ailleurs nocive, sans voir les reflets d'émeraude et de topaze qui ajoutent le soleil de mars. Après tout, le père Moujinski gagne 20 fois plus d'argent que moi dans son commerce de tableaux et il estime mes toiles d'après leurs dimensions. De ce kiosque débordant de fleurs, il apprécierait surtout l'excellent emplacement. J'ai oublié de dire que Lorto était artiste. Son esprit vagabondait, accroché un instant par la silhouette grotesque d'un étranger trop élégant, par celle, nette et plaisante, d'une petite femme évoluant avec assurance parmi les taxis rapides, les lourds autobus qui n'arrivaient pas à la biffée de la circulation. Et venant du ciel bleu, du soleil, du mouvement de la rue, de ses fleurs toutes proches, l'impression délicieuse du renouveau l'immobilisait en sa rêverie contemplative. Le ciel était pareillement bleu, le soleil pareillement gai, quand il avait dit au revoir pour la dernière fois à l'ami dont le souvenir ne le quitterait jamais plus. Elle croyait que le printemps lui apportait la santé et souriait, affreusement pâle, sur ses oreillers. Il la savait perdue, et souriait aussi, plaisantant, formant des projets de promenade pour l'été, d'une voix naturelle qui l'étonnait lui-même. La fenêtre ouverte encadrait des cimes dodelinantes de pins, l'eau verte du bassin d'Arcachon, une bande mauve qui était la rive opposée et au-dessus un peu de ciel. Elle disait « De tout ce que j'ai reçu depuis que je suis malade, ce qui m'a procuré le plus de plaisir, c'est du lilas qu'on m'a envoyé de Paris. » Il ne sentait pas seulement le lilas, il m'apportait le boulevard avec son animation joyeuse, les jeunes filles qui passent en riant, la lumière des belles matinées, les bords de la Seine que j'aime tant. Paris, enfin, que je suis si impatiente de revoir. Qu'est-ce que tu regardes? La mer, là-bas, c'est beau aussi. De mon lit, je ne vois que le ciel. Du lilas. Pourquoi, depuis, ne lui en avait-il pas envoyé davantage? Du lilas blanc pour embellir sa chambre, pour faire passer un peu de joie dans ses yeux bleus. L'orto tressaillit. La vision se brouilla. Des midinettes riaient devant lui, arrêtées autour du kiosque, et criant tout à la fois comme des moineaux. « Combien, beau Violette, madame ?»« Ben vrai, ce que c'est cher. C'est à cause du change. Heureusement qu'on annonce la baisse, Wal. Ah là là, vivement mon hôtel particulier et ma conduite intérieure que je puisse m'offrir du mimosa. 30 sous, 3 fleurs, 6 feuilles et un bout de ficelle. Mais madame, vous croyez donc que mon ami est épicier ?»« Dis donc, Odette, ziote le lilas. Oh, ce qu'il est beau, mon petit. » L'orto s'est élevé, heureux d'avance d'une surprise dont elle parlerait toute la semaine. Il prit le lilas léger. « Combien, madame? J'achète tout. » Et le distribua aux jeunes filles. Interdite un peu, ne sachant s'il fallait refuser ou accepter, rassurée cependant par l'air bon garçon du peintre, elles s'en tirèrent en plaisantant. « C'est la conséquence d'un vœu. La patronne regrettera de ne pas être venue. Moi, je vais être obligée de raconter une blague à Robert. Il ne me croirait pas. Merci, monsieur. Oh oui, c'est gentil tout plein. Merci, merci. » Elles hésitaient encore, n'osant s'éloigner trop vite, mais décidément, il ne tentait rien pour les retenir, souriant à leur exubérance, à leur plaisir enfantin. Tandis qu'elle s'en allait vers la crèmerie voisine, se retournant pour le saluer de la main, il entendit que l'une d'elles disait « C'est drôle, il est encore jeune pourtant. » « Ce pourtant, » murmura l'orto, « vaudrait à lui seul une brouette de lilas. Elles sont charmantes, ces petites. Les voilà joyeuses jusqu'à ce soir. » Et il se prit à rêver. Immoler des fleurs sur une pierre froide, quel hommage inutile, quand, les offrant aux jeunes filles qui passent en riant, il pouvait encore mêler à la vie un peu du doux souvenir de la morte. C'était Lila, gay Lila, par André Rezé.